fous. Je l'aimais déjà trop, j'ai été mordu. Même si les lionceaux d'un m'avoir prévenu, je laisse tomber. Tu laisses tomber, je vais la regretter. Tu perds ton temps. J'avais assez de pleurer dans ses bras. J'ai vu pleurer d'autres gars pour elle déjà. Et c'est bien fait, elle ne m'aura pas. Je vais la retrouver, mais pour lui dire adieu, je laisse tomber. Ok, c'est mieux comme ça. Tu fais faux sous. Cette fille n'est pas pour moi. Tu fais faux sous. Cette fille n'est pas pour moi.